Pour les amateurs de plein air estival, BR Metal vous offre des foyers extérieurs pour bien égayer votre été. 100% local, fabriqué en usine, venez rencontrer nos spécialistes pour bien vous conseiller. BR Metal, au 353 Gustave Dessureau, Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Le propriétaire, M. Robin Bouliane, souhaite une bonne saison aux golfeurs et il est très heureux de commanditer la chronique de golf du club de Dolbeau-Mistassini. On rappelle que la chronique du club de golf de Dolbeau Mistassini est commanditée par BR Metal. On parle avec notre ami Sébastien Marceau. Salut Sébastien. Salut Danny. Sébastien, le club de golf donc de Dolbeau Mistassini, il y avait la Ligue du COVID en fin de semaine où ça se poursuivait cette semaine. Donc encore une fois, une belle soirée. Oui, on était encore 15 équipes de 4, donc 60 participants. Ça l'a veillé après un peu. On a pris une coupe de boisson là. C'était une belle soirée, faites beau. Donc, ça, c'est populaire. Je pense que le fait qu'il n'y a pas d'hockey, il n'y a pas de balle, il n'y a rien, les jeunes viennent jouer au golf, ça vaut la peine. OK, donc 15 équipes de 60, ça c'est une nouvelle ligue, ça, hein? Oui, c'est une nouvelle ligue cette année qu'on a parti. Les gens font leur propre foursum, ils jouent le 9 trous, et après on fait tirer deux parties gratuites la prochaine fois. Donc, dans ce monde-là, est-ce qu'il y a quand même de nouvelles personnes ou c'est vraiment... Il y a plein de personnes qu'on n'avait jamais vues au golf, Danny. C'est, okay. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. C'est que les pères de famille, ils veulent s'évader un petit peu, ils font prendre les bains à leurs enfants. Go, on va jouer à 6h, 6h15. Beaucoup de non-membres, beaucoup de non-membres. Je pense que sur 60, il y avait 42 personnes qui étaient non-membres. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Green Fee maintenant, donc y a-t-il l'augmentation du Green Fee aussi là-dessus? C'est quand même comparable à l'an passé, mais les gens profitent du club de golf. Je vais t'avouer que la beauté nous aide beaucoup. Là. Notre terrain est tellement beau que ça vaut la peine. Ben oui, effectivement. Tournoi la semaine prochaine? Tournoi la semaine prochaine, c'est le trip à deux d'Olbeau et Saint-Prime. Les deux, ah, les c'est deux, commencé, c'est OK, ouais. Oui, ces deux sont jumelés ensemble. C'est en équipe de deux. Pour l'instant, je peux pas dire comment j'ai de participants. J'ai pas été vraiment voir au club de golf, mais je pense que ça va être populaire encore. L'année passée, on était à 60. On devrait être encore dans ce coin-là cette année. C'est pas trop inquiétant. Le tournoi senior, il n'est-tu? Tournoi senior, pas cette année. OK. Ça dépend. Senior, si tu dis senior 50 et plus, il n'y aura pas. Les tournois adultes, entre 20 et 50 ans, il y en a. Là. C'est pas la même chose. Là. OK. Les tournois régionaux qu'on appelle, ils vont faire Saint-Prime, Chicoutimi, Labbé et Alma pour la saison cette année, c'est ça. OK. Donc, c'est bon, ça. Ça fait le tour pour cette semaine? Après ça, je peux dire que la semaine prochaine, nos nouveaux prix pour l'été vont sortir. On va faire des promotions les samedis, les jeudis, les dimanches. On va sortir la semaine prochaine. OK. Donc, ça fait le tour pour cette semaine en plus de ça. Ça fait le tour pour cette semaine. Notre ami Sébastien Marceau qui nous parlait du club de golf, on rappelle cette collègue qui est commandite de BR Metal.